Paternité légale, d'Aurélien Scholl. Monsieur Gontier, avocat renommé d'une grande ville de province, habitait avec sa fille unique, Marie, un de ces hôtels entre cour et jardin qu'ont laissé les vieilles familles disparues ou ruinées. Monsieur Gontier était le type de l'honneur bourgeois et de l'austérité bienveillante. La morale, pour lui, était simple. Il ne connaissait que deux principes, le bien, qu'il faut aimer et pratiquer, le mal qu'il faut éviter et haïr. Il avait horreur des sceptiques et il lui préférait un franc malfaiteur à un hypocrite. Levé à 7 heures en toute saison, M. Gontier s'asseyait à son bureau et n'en sortait que pour se rendre au palais où il avait obtenu de véritables triomphes, tant de grosses affaires civiles que dans quelques procès criminels dont le retentissement avait été universel. L'avocat s'était marié à 30 ans avec une demoiselle de Saint-Expilly qui sortait du couvent. En lui donnant sa fille, M. de Saint-Expilly, avis de l'évêché, payait une dette de reconnaissance. Il devait à M. Gontier, à son talent, à son désintéressement, quelques débris d'une grande fortune singulièrement ébréchée par une mauvaise administration, autant que par l'avidité et la mauvaise foi de quelques parents. À peine eut-elle entrevu le monde que la jeune mariée, pensionnaire de la veille, eut comme un éblouissement. Elle était de toutes les fêtes, de toutes les parties. L'approche d'un bal la rendait folle. Elle n'en dormait pas de plusieurs jours, ne s'occupait que de ses toilettes. Sa journée se passait en visite aux mondaines de la ville. Elle avait sa loge de théâtre et n'y manquait à aucun prix une représentation. Non qu'elle aimât la musique et le spectacle, mais il lui fallait le mouvement, le bruit, les petits coups frappés à la porte de sa loge, les compliments banaux des jeunes gens de la ville. On la cita bientôt comme le type le plus complet de la coquetterie et de la légèreté. M. Gontier fit quelques représentations, mais sa femme ne lui répondait que par des larmes, regrettant, lui dit-elle un jour, que son père eût consenti à une telle mésalliance. Gontier, froissé, ne répondit mot et reprit son travail avec ardeur. Après 4 ans de mariage, mademoiselle de Saint-Expilly disparut avec un bellâtre à favoris frisés, un vicomte quelconque, qui chantait des romances au piano et passait pour le plus élégant cavalier de la ville. Un mot laissé à son mari disait « La vie commune m'est insupportable. Je pars pour l'étranger. Vous n'entendrez plus parler de moi. » Et était partie, en effet, emportant avec ses bijoux tout ce qu'elle avait pu amasser à la hâte, en vidant la caisse et les tiroirs de son mari. Gontier restait seul avec une petite fille de 14 mois. Personne dans la ville n'eut une moquerie, pas une ironie, pas un sourire ne vinrent offenser l'honnête homme frappé au cœur. On le salua avec plus de gravité qu'avant son malheur, comme on salue ceux qui portent un deuil récent. Ce fut tout. Gontier garda l'enfant chez lui. Le matin, en se levant, il courait au berceau et contemplait le sommeil de la petite Marie. Dès son retour du palais, prenant à peine le temps de remettre ses dossiers sur un meuble, il entrait dans la chambre de l'enfant, jouait avec elle, la faisait sauter sur ses genoux, tout heureux quand elle riait en battant des mains et disait « Encore, encore !» Il fut à la fois le père et la mère de sa fille. Le dimanche, il prenait une voiture, se faisait conduire à la campagne et la gardait quelques heures pour lui tout seul, ramassant sa balle et la jetant loin, portant la poupée sur son bras quand la petite courait. C'était ses meilleurs moments. Marie eut à subir les maladies de l'enfance, la coqueluche d'abord, puis une fièvre de croissance et enfin une fluxion de poitrine. Gontier donna l'ordre de placer le lit de la petite à côté du sien. Il se levait pour lui faire prendre ses remèdes, faisait chauffer la tisane et la goûtait pour qu'elle ne fût pas trop chaude ou trop sucrée. À 18 ans, Marie était une jolie personne, bonne, dévouée, affectueuse. Elle adorait son père, lui rendant les deux amours qu'elle avait reçus de lui. De Madame Gontier, personne n'avait entendu parler depuis sa fugue. Un voyageur de commerce prétendait l'avoir vue à Naples, puis à Rome, où elle passait pour une femme galante. Le ravisseur était mort de la poitrine et Madame Gontier avait usé à tort et à travers de la liberté complète que lui laissait la mort de son amant après la rupture avec son mari. La fête de M. Gontier approchait et Marie voulait lui faire une surprise. Elle avait acquis un certain talent sur la peinture et elle travaillait en secret au portrait de son père. Pour cela, elle s'était installée dans un petit cabinet attenant à celui de M. Gontier. Là se trouvaient le chevalet, la palette et les pinceaux. Pendant que M. Gontier, absorbé par le travail, était penché sur son bureau, Marie ébauchait le portrait. L'ouvrage était presque terminé quand le domestique annonça à monsieur qui voulait parler à l'avocat. Marie referma doucement la porte. « Monsieur, dit le visiteur, je suis l'homme d'affaires de Madame Gontier. » En entendant ce nom, Marie, qui s'apprêtait à quitter sa cachette, se sentit clouée sur place. « Madame Gontier, sa mère ? » On lui avait dit qu'elle était morte. Toutes ces questions à ce sujet étaient restées sans réponse. Et un jour, l'institutrice, qui faisait son éducation, lui avait dit « Mademoiselle, ne parlez jamais à votre père de Madame Gontier, cela le tuerait. » Il y avait donc un mystère là-dessous. Quel était-il ? « Madame Gontier, s'écria l'avocat, sortez, monsieur, il n'y a pas de Madame Gontier. Permettez, reprit l'homme d'affaires, je me suis muni d'une procuration en règle, et je ne sortirai d'ici que pour me rendre chez un avoué. Et pourquoi faire ? Pour obtenir de vous la pension à laquelle elle a droit. Ah, c'est cela. Madame Gontier a aujourd'hui 42 ans. Elle est à Paris, sans ressources, dans un petit logement qu'elle a loué au Batignolles. Lorsque Madame Gontier a quitté la maison conjugale, vous avez voulu faire le silence autour de cette rupture. Il vous a répugné de demander au tribunal une séparation qui vous eût certainement été accordée. En effet, monsieur, j'ai songé qu'il me restait un enfant et j'ai tâché de garder un nom intact. Eh bien, en votre qualité d'avocat, vous ne pouvez ignorer quelle est la situation légale que vous crée cette omission volontaire. Et vous ne serez pas étonné que Madame Gontier réclame de vous une pension annuelle de 15 000 francs. « Je n'ai pas 15 000 francs de rente, répondit l'avocat. Mademoiselle de Saint-Expéry a emporté avec elle le double de sa dot, et c'est une brèche qu'il m'a fallu réparer. Toutefois, je consens à lui servir une pension de 500 francs par mois. Il faut 15 000 francs, reprit l'homme d'affaires, sans quoi Madame Gontier réclamera sa fille. « Sa fille ? » s'écria violemment l'avocat. « Une enfant qu'elle a abandonnée quand elle était encore en nourrice. Une enfant qu'elle ne connaît même pas. Prenez garde, monsieur, j'ai souffert en silence. » menant une vie de travail et de deuil, cachant ma blessure à tous les regards. Mais ce scandale que j'ai évité, je ne le crains pas. Et s'il s'agit de défendre ma fille contre une femme perdue, j'accepterai le combat et je le ferai terrible. Marie, appuyée sur le chevalet où se trouvait le portrait commencé, sentait son cœur défaillir. Ses tempes battaient violemment. Sa gorge était devenue sèche. Elle respirait péniblement, effarée. La bouche grande ouverte, l'œil hagard. Heure sinistre pour la jeune fille qui apprenait en même temps que sa mère vivait et que c'était une de ces femmes auxquelles on refuse justement le respect, une de celles que la famille renie et que le monde repousse. Des larmes de martyr coulaient silencieusement sur son visage pâli et elle sentait que quelque chose se brisait de l'autre côté du mur. À l'altération de sa voix, elle comprenait tout ce que devait souffrir son père. « Monsieur, reprit l'homme d'affaires, je me suis chargé d'une mission pénible, mais je dois la remplir jusqu'au bout. »« Faites, monsieur, faites, répondit monsieur Gontier. Mon parti est pris. J'expliquerai moi-même les faits au tribunal. La séparation sera prononcée et je ferai à mademoiselle de Saint-Expéry une pension alimentaire que fixera le jugement. Puis je quitterai la ville, j'irai m'ensevelir au fond de quelques campagnes, mais je sauverai ma fille des atteintes de la misérable créature qui ose me la disputer. » Il y eut un instant de silence. « Dans ce cas, continua le messager de Madame Gontier, ma cliente sera contrainte de recourir au seul moyen qui lui sera laissé. Que voulez-vous dire ? Affichant elle-même sa honte, elle avouera que l'enfant né dans le mariage est la fille d'un autre. »« Marie ? » fit l'avocat d'une voix étranglée. « Marie n'est pas ma fille ? C'est là ce que vous dites ? Elle est votre fille, d'après un axiome de droit bien connu. Mais il y a dans le dossier de Madame Gontier une série de lettres qui prouvent que, au moment de la naissance, « Taisez-vous, dit à... non, taisez-vous, dit à mi-voix M. Gontier. Quelqu'un pourrait vous entendre. Et si jamais cet enfant apprenait le secret de sa naissance, elle l'en mourrait. Il se peut que je ne sois pas son père. Mais elle n'en sera pas moins ma fille. Je l'ai faite mienne. Sans moi, elle serait morte 10 fois. Et je la garde. Retirez-vous. » Marie se traîna chancelante jusqu'à sa chambre et tombant à genoux devant une petite chapelle ménagée dans une encoignure, elle pleura abondamment. Il y avait dans les paroles qu'elle venait d'entendre bien des points obscurs, bien des détails qui lui échappaient. Ce qu'elle avait bien compris, c'est qu'elle n'était qu'une étrangère dans cette maison qu'il avait vue naître. Cet homme si bon, si affectueux, si dévoué, qu'elle revoyait penchée sur son berceau, puis la portant dans ses bras quand elle était fatiguée. Cet homme qui était toute sa vie, elle lui avait volé sa tendresse. Elle était une étrangère pour lui. Le quitter, partir, lui rendre la petite montre qu'il lui avait donnée le jour de sa première communion, ce bracelet à son chiffre, ses parures de jeune fille. Aller quelque part, gagner sa vie comme ouvrière, comme servante. C'était cela qu'il fallait. Mais où se réfugier? À qui demander un abri? Sa mère, ce nom si doux ne lui inspirait que de l'effroi. C'est cette femme qu'il s'agissait d'éviter avant tout. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Monsieur Gontier allait la chasser sans doute. Comment pourrait-elle supporter ses regards? Tandis qu'elle s'abîmait dans les réflexions les plus incohérentes, côtoyant la folie, se levant pour se précipiter au dehors, puis retombant sans force sur sa chaise, on frappa doucement à la porte. Elle voulut crier, mais un son rauque vint lui expirer sur les lèvres. La porte s'entr'ouvrit et M. Gontier parut. « Es-tu souffrante ? » demanda-t-il avec bonté. « Oui, un peu. J'ai eu un tournement de tête. Viens m'embrasser. » Il la serra longuement dans ses bras. « Je vais chercher le médecin, » ajouta-t-il. « Oh non, merci. C'est inutile. Cela va mieux. » « Mon enfant, reprit M. Gontier, tu vas partir pour la campagne dès ce soir. L'air de la ville est mauvais pour toi. J'ai une petite affaire à régler ici. J'irai te rejoindre après-demain. Et nous passerons un mois, tout un mois, au milieu de nos marronniers. Cela te va-t-il ? Oh oui ! Tes robes sont-elles faites ? Oh, je n'en ai pas besoin. Comment cela ? J'ai réfléchi que je vous occasionnais beaucoup de dépenses. J'étais un peu folle parfois, mais ça n'arrivera plus. Vous travaillez trop. » Et je me sens tout affligé quand je songe que c'est pour moi que vous vous donnez tant de mal. Monsieur Gontier sourit tristement et, après l'avoir embrassé de nouveau, il sortit. Quand il rentra pour dîner, il paraissait plus calme. C'est à peine si Marie osa manger quelques bouchées de pain. Il lui semblait qu'elle volait celui qu'elle avait toujours pris pour son père. Après dîner, elle monta en voiture avec l'institutrice et la bonne qui l'avait élevée. Et en une heure, elle se trouva sous les arbres de la propriété de M. Gontier, tout étonnée de ce qui se passait. Comment, au lieu de la chasser, il la gardait chez lui ? Il s'inquiétait de sa santé ? Elle sentait redoubler son amour filial et s'endormit en murmurant « Oh si, c'est mon père !» Quand l'homme d'affaires de Mme Gontier se présenta de nouveau chez lui, l'avocat lui dit « Monsieur, le dossier que vous avez remis à l'avoué, qui s'est chargé des intérêts de Mme Gontier, est maintenant chez le juge d'instruction. » L'homme d'affaires pâlit. L'opération dont vous êtes chargé, continua Gontier, est un simple chantage. Le ravisseur qu'a suivi Mademoiselle de Saint-Expilly n'est arrivé dans cette ville qu'après la naissance de Marie, et les lettres que vous avez apportées comme pièces de conviction ont été antidatées. Ce sont de simples faux. Je reconnais bien là, du reste, l'œuvre de l'infâme créature qui porte légalement mon nom. Mais ce n'est pas tout, monsieur. Vous êtes son complice ? « C'est elle qui a tout fait, monsieur, ne me perdez pas. »« Soit, mais vous allez reconnaître les faits. Écrivez. » Et M. Gontier dicta l'aveu de la fraude, que l'homme d'affaires signa d'une main tremblante. « Dites à cette femme, » ajouta l'avocat, « qu'elle recevra chaque mois, à l'adresse que voici, la somme nécessaire à son existence. Et maintenant, que je ne vous revois plus. Mais le dossier, je vais le reprendre moi-même, en retirant ma plainte, et je le garde. » Monsieur Gontier, passant par le cabinet, s'était tenu sa fille, vit le portrait qu'elle avait travaillé, et comprit tout. Il partit pour la campagne, fit asseoir Marie sur un banc à côté de lui, et mettant la déclaration de l'homme d'affaires entre ses mains, « Lis, ma fille !» lui dit-il, « puisque tôt ou tard, tu devais apprendre ce que je t'ai caché jusqu'à présent. » Marie lut à travers ses larmes, et se laissant glisser par terre, elle couvrit de baisers les genoux de Monsieur Gontier. « Ah non, fit celui-ci, dans mes bras, dont nul ne peut t'arracher. La paternité légale n'est qu'un leurre. Elle impose à la famille les enfants adultérins, et c'est tout. Le maraudeur, celui qui se tient en dehors du mariage, échappera toujours à la loi, qu'il soit le séducteur d'une jeune fille sans défense, ou qu'il soit l'homme à bonne fortune, amant d'une femme mariée, il n'y a pas de toi qui puisse donner un cœur à celui qui n'en a pas. » Fin.